Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode printanier pour cette période de Caprice de lecture où je reçois aujourd'hui une jeune auteure pour son premier roman, Le lac au miroir, aux éditions Viviane Ami, Odile Lefranc, qui va nous emmener en voyage à Bali en compagnie de Walter Spies. Première question, donc Le lac au miroir que l'on présente aujourd'hui aux éditions Viviane Ami est votre premier roman et à mon sens une révélation littéraire parce que vous nous emmenez loin et dans le temps et géographiquement. Comment est né justement ce roman Le lac au miroir ? Merci beaucoup déjà Sarah de m'accueillir dans vos caprices de lecture. En fait, je suis très émue par ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, ce roman, il vient de loin. Oui. Il est né, je crois, en 2016, à un moment de ma vie où j'étais un peu à la croisée des chemins. D'accord. Et il s'inspire, je crois, de ce voyage à Bali que j'avais fait quelques années plus tôt. Et j'étais à un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de me laisser aller dans l'écriture. Et c'est d'abord Bali qui est arrivé. D'accord. Donc c'est cette scène avec le prêtre que je décris, c'est quelque chose que j'ai vécu. Après tout le roman est une pure fiction. D'accord. Et voilà, cette clé de ce qui va créer la vie, c'est le désir. Ça a été quelque chose que je voulais partager en fait au lecteur. D'accord. Alors, justement, parce que vous avez une écriture extrêmement structurée, les descriptions de Bali sont extrêmement fines parce qu'on voyage, hein. Vous nous emmenez au fil du temps. Moi, j'ai dévoré le livre en 48 heures. Il est vraiment il est extraordinaire. Mais c'est aussi un voyage en introspection. Par exemple, justement, vous parlez du lien mère-fille, alors qui fait écho. Alors moi, qui, par exemple, a fait beaucoup écho en moi pour certaines parties de ma vie ou de mon histoire personnelle et intime, mais qui aussi, je pense, peut faire écho chez un public féminin un peu plus large, parce que je cite page 21, j'avais hérité d'elle sa fascination pour Walter Spies, musicien, photographe, cinéaste et ethnologue, pardon. Je crois que ma mère partageait avec lui le besoin de fuir un monde qui l'empêchait d'être elle-même. J'étais de la même veine. Et moi, en lisant ce passage, donc je vous pose la question, je me suis demandé s'il n'y avait pas une partie complètement autobiographique. Donc vous venez de dire que pour Bali, c'était, on va dire, l'endroit à l'instant T qu'il vous fallait. Mais justement, sur ces relations, qu'elles soient familiales ou mère-fille, est-ce qu'il n'y a pas une part d'autobiographie là-dedans ? Alors, il y a quand même toujours une part où l'auteur, par ses personnages, sûrement exprime une partie de lui-même. Et c'est vrai qu'à travers des personnages, ce que j'ai voulu exprimer, c'est peut-être la notion d'impossibilité. D'accord. Donc, j'ai essayé de trouver un moyen de pouvoir recréer un dialogue à ma manière, à travers un artiste qui est Walter Spies. Ouais. Et qui, voilà, après, c'est vrai que c'est pas du tout autobiographique dans le sens où oui. J'ai pas cet héritage-là du tout. Mais oui. Je pense que ce qui m'a nourri, c'est cette incapacité à pouvoir peut-être encore communiquer avec ma maman. Et, d'accord. Voilà. Ok. On sent beaucoup d'émotions à travers tout ça. Moi-même, j'en ai éprouvé beaucoup, justement, pour des raisons très particulières. Alors, justement, Anna, 38 ans, qui est en quête d'elle-même, hein, elle est un petit peu perdue dans votre roman, elle va devoir se retrouver elle-même, mais aussi retrouver ses racines, donc à la mort de sa maman, qui lui tombe un petit peu dessus, on va dire, après coup. Hein. Elle n'arrive même pas au dernier moment, elle est prévenue bien après. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous décrivez tout ça donc, à travers l'œuvre de Walter Spies, donc, que moi, je ne connaissais pas, et je suis devenue une fan absolue pour que ce soit son parcours artistique ou sa personnalité. Alors, pourquoi avoir choisi justement cet artiste ? Est-ce que, pour vous, c'est déjà un artiste qui vous était, on va dire, très connu, presque familier ? Ou est-ce que vous aviez envie un petit peu que, justement, le travail de cet artiste soit connu par une plus grande majorité, en fait. Alors, c'est la deuxième partie de la question. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, je ne le connaissais pas très bien. J'avais vu quelques œuvres à Bali ouais. et j'avais été fascinée par ses paysages. Mais ça m'est revenu aussi quand j'ai écrit le roman parce que je cherchais aussi un artiste qui ait vécu à Bali, mais qui ait cette connexion avec l'Europe. D'accord. Et donc, j'ai découvert que Walter Spies était une personnalité très importante de Bali qui a été un passeur. Ouais. Et donc, je me suis après complètement passionnée pour sa vie. Et ce qui a été dingue dans l'écriture du roman, c'est que, en fait, plus j'avançais dans l'écriture du roman, plu la vie de Walter Spiess me guidait aussi dans cette écriture. Puisque d'accord. Je suis allée à Dresde pour voir où il avait exposé la première fois à Elrau. Voilà, j'ai complètement marché sur cette trace. Alors, quand on parle d'autobiographie, c'est pas du tout autobiographique, mais il n'empêche que j'ai suivi aussi le parcours d'Anna. Ouais, si ok. Ouais, je comprends. Et en plus, on a l'impression que tout s'imbrique. Enfin, comme on dit, que les planètes étaient alignées, parce que vous avez besoin de vous retrouver pour écrire en 2016. Donc, et l'endroit, c'est Bali. À Bali, vous rencontrez quelque part Walter Spiess. Hein, vous rencontrez son travail, mais aussi un petit peu sa vie. Et du coup, on a vraiment l'impression que les deux ensemble, ça matchait, quoi. C'était vraiment le roman à écrire. Alors, justement, vos passions sont-elles intimement liées justement à votre désir d'écrire ? Parce que quand vous parlez de la vie de Walter Spiess ou que vous décrivez ses tableaux, ou justement donc le lac au miroir, hein, qui est un petit peu le fil d'Ariane dans votre roman, que ce soit pour plein de raisons, mais je ne vais pas spoiler ici, est-ce que vous avez une vraie passion, ça c'est une question un peu plus perso, pour l'art ou pour Walter Spiess ou pour tout ce mouvement, on va dire, artistique ? Ou est-ce que c'est vraiment, c'était juste vraiment l'occasion d'écrire sur lui et qu'après vous avez peut-être une passion pour l'art qui est peut-être complètement différentes. Alors effectivement, j'ai une passion pour l'art. Okay. J'ai une passion pour la danse. Okay. J'ai une passion pour cette période aussi, vous savez, de la fin du 19e, début 20e. Okay. C'est une révolution artistique, ouais. À la fois picturale, mais aussi théâtrale et aussi dans la danse. Ouais, une espèce de libération, ouais. Complète, hein, d'ailleurs. Hein, voilà. Fin 19e, début 20e. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que tout est réinterrogé, en fait. Et tout va s'arrêter avec la guerre 14. Ouais. Et c'est vrai que tout ce qui est en germe à ce moment-là, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, que ce soit au niveau musique, on voit l'apparition de la musique sérielle avec Schoenberg, ouais. Au niveau de la peinture, on a déjà l'impressionnisme qui est bien en route et on arrive à la naissance de l'art abstrait avec Kandinsky en 1912. Oui. On a une révolution pédagogique de la danse avec Émile-Jacques Dalcroze qui a justement vécu, qui a enseigné aussi à Elrau là où est passé Walter Spiess et qui d'accord. Était... ce que je voulais montrer aussi, c'était qu'en Europe, Dresde était le bassin de l'avant-garde aussi. Il y avait Paris, mais il y avait aussi Dresde, ouais. Où tous les avant-gardes sont passés, que ce soit Kandinsky, que ce soit Le Corbusier, Kokoschka. Et on en parle beaucoup moins d'ailleurs, hein. C'est bizarre. Oui. Enfin, moi, je trouve ça bizarre parce que Paris est toujours un petit peu mis en lumière. Enfin, Paris, lumière, oui, c'est peut-être un mauvais jeu de mots, je ne sais pas. Mais sur les autres capitales qui ont pu lancer des mouvements ou des révolutions artistiques, on en parle beaucoup moins et c'est dommage. Voilà, c'est bien que vous l'ayez fait. C'est bien, je trouve. Oui, ouais. Ah bah merci, mais c'est vrai qu'en plus, vous savez, tout s'est arrêté aussi avec la guerre 14, ouais. Mais après avec l'ère communiste. Oui. C'est vrai que de 1920, c'est devenu Elrau qui était un centre d'avant-garde. Et c'est la première cité-jardin d'Allemagne. Ouais. Et il y avait un temple de l'art, un peu comme des temples grecs qui avaient été bâtis au cœur du village, au cœur de cette cité-jardin, pour que les habitants qui étaient des employés d'un riche industriel qui voulaient fuir en fait l'urbanisme croissant des villes et qui voulaient donner un art de vivre aussi à ses employés. Mmh. Et dans ce temple de l'art qui était la première salle modulable de spectacle européenne, eh bien il y avait, si vous voulez, c'est devenu vraiment un lieu culte, mais qui a très vite basculé après en une école des années 1920-1940, et puis après, durant la guerre 39-45, c'est devenu un commissariat. Enfin, ouais. Voilà. Et ouais. Puis c'est revenu, en ce moment, ça renaît aussi depuis quelques années, c'est devenu un centre chorégraphique européen. D'accord. Et il y a cette même ambition de devenir un centre de création européenne très important. Donc il reviendrait à ses racines, en fait. Ce serait chouette. Exactement. Ah, ce serait super chouette. Voilà. Alors, j'avais une dernière question pour vous. Quand on suit votre actualité, vous faites une tournée de dédicaces absolument incroyable pour un premier roman, mais qui est vraiment extraordinaire. Moi, qui suis responsable de bibliothèque, je le conseille dans ma bibliothèque et donc on va l'acquérir. Parce qu'il est vraiment magnifique. C'est ce que je disais au début. Hein. On voyage artistiquement, on voyage aussi géographiquement. On apprend plein de choses aussi sur les us et coutumes de Bali, sur la danse, sur les trans. On apprend vraiment énormément de choses. Donc au milieu de tout ça, quels sont vos projets 2023 ? Est-ce que vous avez déjà un autre roman en route ? Est-ce que vous vous penchez plutôt vers un autre projet autre que l'écriture ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, je dirais que ce qui me passionne, c'est une question un peu aussi de narration, c'est Ouais. l'émergence du sujet narratif, du jeu dans l'écriture, et OK. je vais dire que je travaille là-dessus. Je suis pas sûre que ça devienne un roman, parce que en fait, j'ai commencé avec Anna une sorte de transformation, et j'espère poursuivre aussi dans cette vie d'écrivaine. Et donc, je réfléchis beaucoup à tout ça. Après, le projet en tant que tel, il n'est pas encore défini Oui. complètement. Mais vous avez raison de continuer dans cette voie. C'est absolument phénoménal. Je n'ai jamais lu un premier roman comme celui-là. Jamais. Voilà, je vous le Alors, dis. Et pourtant, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour un premier roman, c'est assez exceptionnel. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté cette invitation, oui. d'avoir répondu à mes questions, bien sûr. Moi, je vous souhaite vraiment tout le succès possible. D'ailleurs, je présenterai aussi votre livre, parce que je fais une matinale aussi pour Radio Fadjet mercredi, et j'ai prévu de le présenter, parce qu'il mérite vraiment d'être connu au-delà de ce que je fais là aujourd'hui avec vous. Voilà, sachez-le. Je vous remercie. Voilà, merci Audie, à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.